Nouvelle scène nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur l'antenne de votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur Internet, comme il vient d'être dit, mais c'est bon de le redire, sur RGB, radio RGB.net pour l'adresse du site Internet. On peut nous recevoir partout dans le monde, à toute heure, du jour et de la nuit, et ça c'est tout à fait intéressant par rapport aux différents sujets que nous allons aborder au cours de cette émission. Nos invités, Ève Risser, compositrice et musicienne pour le spectacle Kogobas Basigi, Chloé Gilbert, directrice des relations publiques et de l'accueil à la Nouvelle scène nationale, bonjour à l'une et à l'autre, Abdou Mbaye de la ville de Cergy, il est chargé de mission pour la danse et les cultures urbaines et programmateur également à Visage du Monde, bonjour. Bonjour. Nous avons deux autres invités avec une intervention par téléphone, par insert téléphonique, voire plus par phoneur, comme il convient de dire sur une onde de radio, Élise Châteauret pour le spectacle Saint-Félix, elle en est la metteur en scène, et Pauline Bell, metteur en scène également du diptyque Iliade, Odyssée d'après Homère. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Élise Châteauret, vous êtes auteur et metteur en scène, vous dirigez la compagnie Babel et vous êtes à l'affiche d'un spectacle qui a pour titre Saint-Félix, enquête sur un hameau français qui sera présenté dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise qui est en cours et à l'affiche à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise du mardi 4 au vendredi 7 décembre. Je préciserai les horaires à la fin de cette interview. Peut-être dire quelques mots concernant votre compagnie, parce qu'effectivement, elle mène un travail depuis maintenant, je crois, une petite dizaine d'années, c'est ça ? Très exactement, absolument. Où il est question souvent, dans d'autres et précédentes créations, d'immersion et d'observation. C'est un peu votre approche du théâtre contemporain ? Oui, on fait un travail qu'on aime bien qualifier de documenté, c'est-à-dire qu'on part d'expériences dans la réalité, comme ça on s'immisce, on investit des lieux, ça peut être un lycée, ça peut être une école, ça peut être une institution comme une CAF, ça peut être comme sur Saint-Félix, un tout petit hameau en France. Et à partir de cette expérience-là, on fait des entretiens avec des gens, les habitants de Saint-Félix en l'occurrence, et on écrit nos spectacles à partir de ces entretiens et à partir de ce travail d'investigation, d'immersion et d'expérience. Vous avez parlé, avant de passer à la phase de création de ce spectacle, où vous avez été porté par l'intuition qu'un monde là en France était en train de s'éteindre doucement. Ce monde-là, c'est le monde rural et agricole. Et pour, non pas en faire la démonstration, mais peut-être le vérifier, l'observer, le raconter, vous vous êtes appuyé sur l'histoire d'un petit village, Saint-Félix, qui pourrait être partout en France, loin de toute grande ville ? Oui, voilà, exactement. On a choisi un lieu qui est à la fois un lieu réel et un lieu imaginaire. Enfin, c'est un lieu réel dans lequel on a réellement été, mais qu'on essaye de porter à une dimension tout à fait universelle. Et ça devient du coup un petit village avec plein de traits qu'on pourrait reconnaître dans plein de petits villages en France, mais aussi une sorte d'image presque mythique du petit village français où effectivement un monde est en train de se transformer, si ce n'est de disparaître, un monde qui fonctionnait sur un certain nombre de traditions, un endroit où les fils reprenaient les fermes des pères. Et petit à petit, ce monde-là, les fils ne veulent plus reprendre les fermes, ou moins, ou différemment. Et les choses se transforment, et puis il y a une transformation qui est encore plus grande, qui apparaît dans les entretiens, et quand on a passé du temps là-bas, c'est aussi la transformation des saisons, la transformation écologique, la transformation extérieure, en fait. Donc, finalement, Et puis la population aussi qui vit là, où c'était beaucoup des milieux très fermés, avec des gens qui voyageaient très peu. Et aujourd'hui, il y a évidemment des gens qui viennent de partout en France, mais aussi de partout dans le monde. Mmh. Et donc, ce sont des transformations qui sont parfois très difficiles à vivre, mais aussi souvent porteuses de nouveaux élans, de nouvelles rencontres. Je cite souvent cet exemple d'un fermier qu'on a interviewé, qui a jamais quitté Saint-Félix et qui a depuis peu des voisins hollandais qui sont venus s'installer dans le village et qui sont les premières personnes qui l'ont invité à sortir de Saint-Félix pour aller en Hollande. Et c'est devenu une amitié très forte et il raconte cet homme comment sa vie et sa vision du monde a changé par ce voyage. Voilà, donc c'est à la fois un monde qui disparaît encore une fois de façon négative, en tout cas avec des conséquences difficiles, et puis il y a aussi des choses nouvelles qui arrivent et qui sont aussi très belles. Élie Châteaurès, le fait d'observer des habitants, j'imagine que de leur part, il y a eu forcément une phase de méfiance, parce qu'effectivement, ça n'est jamais toujours très agréable, on ne sait pas toujours l'objectif de ces interrogations, de ces observations. Alors, vous avez pris le temps nécessaire pour rentrer en confiance et en relation avec un certain nombre de ces habitants? Oui, on est resté en fait de janvier à juin 2017, donc par intermittence, on n'y était pas tout le temps, mais on restait, en tout, on sera resté entre un mois et demi et deux mois, et on venait à chaque fois plus d'une semaine, on repartait, on revenait, et effectivement, on a pris le temps de créer une relation en précisant bien qu'on n'était pas journaliste, qu'on n'était pas sociologue, qu'il ne s'agissait pas de passer à la télé. On filme pas, on enregistre seulement en audio, ce qui est aussi un médium plus rassurant pour les gens que l'image. Et puis après, on a aussi beaucoup dit aux gens que finalement, on partait d'eux, mais que c'était pas d'eux qu'on allait parler et que tout serait transformé. Il n'y a aucun nom qui est le vrai. Et ce qu'on fabrique à partir de cette matière, c'est des figures, c'est des personnages, c'est de la fiction. Et donc finalement, il reste pas non plus grand-chose de la réalité de ces gens-là. L'idée, c'est pas de raconter la vie intime des gens, c'est d'utiliser une expérience, voilà, d'aller interroger la vie, la réalité, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui, dans cela, peut se raconter et parler à tous, surtout. Donc ce qu'on garde de ce que les gens nous ont raconté, c'est ce qui nous semble universel. Collecter des paroles, des conversations, les paroles simples, lucides et parfois violentes, ai-je lu, sur des sujets très variés, justement pour leur permettre d'aller au-delà de leur personnalité, à savoir des sujets comme la nature, l'environnement, c'est important quand on est dans le rural, la mondialisation, la production de masse, l'identité, l'appartenance, tous ces sujets-là en particulier que vous avez abordés avec eux. Alors en fait, c'est pas nous qui les abordons, hein, c'est vraiment eux qui les ont abordés en fait. Hein. Les conversations qu'on mène avec les gens, c'est des conversations vraiment à bâton rompu qui durent 4, 5, 6 heures, c'est des rencontres en réalité, où on apprend autant sur eux que eux sur nous. Et en général, une belle rencontre, c'est une rencontre qui vraiment déplace autant d'un côté que de l'autre. Il n'y a pas de surplomb en fait, on vient pas chercher des réponses à des questions, on n'a pas préparé, par exemple on prépare pas les entretiens, on n'a pas des listes de questions. Il se trouve qu'en recoupant les 20 entretiens qu'on a fait avec les habitants, les thématiques qui traversaient l'ensemble des entretiens étaient celles-ci. Effectivement, la question de la nature, la question de l'écologie, la question de l'appartenance à un lieu, qu'est-ce que ça veut dire être chez soi, la question de l'identité, d'où on est et pourquoi, la question du racisme aussi qui traverse un certain nombre d'entretiens. Et toutes ces questions-là, on les a gardées aussi parce que non seulement elles traversent la majorité des entretiens, mais aussi elles nous semblaient être des questions qui sont des questions qui nous touchent tous en fait. Donc on part de Saint-Félix pour parler à chacun et pour parler finalement Saint-Félix, c'est nous. Saint-Félix, c'est une image d'un microcosme et d'un petit monde qui pourrait être la France, le monde entier. C'est entre le conte et l'enquête. Et on part du document pour aller jusqu'à, encore une fois, le mythe, la fiction et raconter l'histoire la plus large et la plus universelle possible. En même temps, on sait qu'il y a de vraies fractures, voire des inquiétudes, voire plus encore des peurs qui existent quand on est dans le monde rural par rapport à la ville, à la métropole, plus par rapport à la mondialisation. Oui, c'est vrai, mais en fait, ces inquiétudes, on peut les transposer aussi quand on est un citadin aujourd'hui. On a plein d'inquiétudes. Il y a beaucoup de citadins qui rêvent d'aller vivre à la campagne avec des sortes de mythologies en se disant que la vie sera meilleure, qu'on vivra mieux, que ça sera moins cher, que les loyers seront moins chers, qu'on respirera mieux, que ça sera moins pollué. Enfin, en fait, les clichés et les fractures, comme vous dites, entre ville et campagne, elles sont réciproques, elles sont des deux côtés. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le spectacle, ces quatre intervieweurs citadins qui mènent l'enquête, on les voit au travail, et on voit bien comment finalement les questions qui sont posées aux uns rebondissent sur les autres en creux, et que les questions des uns sont vraiment aussi des questions des autres. En même temps, ce spectacle interroge un monde qui disparaît. Est-ce que, au-delà de tous ces sujets de conversation que vous avez eus avec ces habitants, là ce sont de véritables conversations, comment on en fait un objet théâtral? Comment se raconter leur village, le village de Saint-Félix, sur un plateau de théâtre? Alors on le raconte avec des outils qui sont les outils du théâtre. Par exemple, sur scène, on met en place un diorama. Donc un diorama, c'est l'ancêtre du cinéma où on reconstituait des paysages de nature souvent intégralement avec des petites lumières et on le faisait vivre comme si c'était une image. Et donc là, le spectacle, on a beaucoup travaillé sur ce dispositif. Et donc sous les yeux du spectateur, on part d'un plateau nu et petit à petit, on reconstitue un paysage avec des petites maisons, des arbres, de la nature, une toile peinte qui arrive, et à la fin du spectacle, alors même qu'on est parti d'un plateau nu, on arrive devant une image reconstituée de Saint-Félix. On utilise aussi la marionnette, on a travaillé beaucoup avec ce médium-là, comme une façon justement de raconter le passage d'un document, une histoire vraie, à tout d'un coup un personnage qui se personnifie précisément grâce à l'outil de la marionnette. Donc finalement, comment on passe au théâtre? On passe au théâtre en transformant tout, en faisant de la fiction, en faisant une histoire, en faisant une histoire qui parle à tous. Le monde qui disparaît, est-ce que c'est que Saint-Félix? Est-ce que c'est que le monde rural? Ou est-ce que c'est nous tous qui sommes inquiets parce que les saisons se dérèglent, parce que tout d'un coup on se demande bien si notre monde à nous aussi il va pas disparaître? Encore une fois, c'est toujours utiliser le petit pour parler du grand. C'est un travail sur la métonymie, quoi. On parle d'un tout petit village et en fait ça parle du monde entier. Donc le théâtre, il permet ça. Il permet justement cet effet de loupe. Là où le cinéma documentaire, par exemple, peut-être avec l'image et la réalité voilà, concrète de l'image, resterait à Saint-Félix, le théâtre, avec cet outil formidable qu'est la boîte noire et qui permet une sorte de transformation dans la fiction, nous permet de tout d'un coup imaginer presque un conte. Un conte qui serait une histoire du monde contemporain et de chacun d'entre nous. Dans cette démarche de création, après ce spectacle, il a été question de la création d'un court-métrage par le village, ça s'intitule, je ne sais pas si c'est un titre provisoire ou définitif, et vous avez réalisé ce court-métrage dans la continuité de ce travail d'immersion-observation de Saint-Félix, cette fois-ci dans le département du Val-d'Oise, justement dans le monde rural qui est incarné et existant, comme chacun le sait, sur le Vexin en particulier. Quel est l'intérêt et qu'est-ce que vous voulez dire au travers de ce court-métrage ? Alors, donc pour répondre à votre question, le titre du court-métrage, c'est « Par les villages », finalement, ça a un petit peu changé. Et ce qu'on a eu envie de faire, c'était de faire un pont, en fait, entre l'histoire qu'on raconte, donc encore une fois, qui est au croisement du document et de la fiction, et qui raconte quand même, au point de départ, un petit village dans le monde rural, de faire un pont entre ça et le territoire qui est celui qui existe autour du lieu où on va faire donc la première du spectacle, et donc le territoire du Val-d'Oise. Donc on s'est demandé autour, là, si cette réalité rurale, elle touchait des gens. Et effectivement, on s'est promené dans le Vexin et on s'est dit, tiens, c'est étonnant parce que finalement, très très très proche d'une très grande ville qu'est Cergy, on a un monde rural qui ressemble beaucoup à celui qu'on a pu voir à Saint-Félix, qui n'est pas du tout dans cette région-là. Donc ce qu'on a voulu aussi, c'est essayer de mettre en écho les questions qu'on a posées à Saint-Félix et les réponses qu'on pouvait trouver dans le Vexin pour voir si des choses se répondaient, s'opposaient, si c'était les mêmes questions ou pas. et comment il y avait un dialogue qui s'opérait entre le spectacle et les gens qu'on rencontrait. Le court-métrage sera projeté en première partie du spectacle et en fait c'est aussi une façon pour nous de raconter aux spectateurs le processus de travail. C'est-à-dire que ce que vous ne verrez pas dans le spectacle, c'est nous faisant des enquêtes, vous n'entendrez pas ou très peu les bandes-sons originales, tout a été transformé, c'est devenu du théâtre. Alors que dans le film, vous verrez l'équipe en train de poser des questions à des gens, et du coup ça permet comme aussi pour le spectateur d'imaginer tout ce qu'il y a en amont de la création d'une œuvre fictionnelle et théâtrale et d'avoir accès aussi au processus, quoi. Merci pour toutes ces informations. On a hâte d'aller découvrir effectivement ce spectacle. Saint-Félix par la compagnie Babel sur une mise en scène d'Élise Châteaurès. Juste dire que votre compagnie est en résidence d'implantation triennale depuis janvier 2018 sur la commune d'Herblay dans le Val d'Oise. Que ce spectacle sera à l'affiche du mardi 4 au vendredi 7 décembre à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise au Théâtre des Arts à Cergy-Centre avec une représentation le jeudi 6 décembre à 19h30 et les autres soirs à 20h30, qu'il sera également présenté à Argenteuil le 11 décembre et le 13 décembre au Théâtre Roger Barat à Herblay, puis je crois d'autres dates à Paris et dans d'autres villes de France, c'est bien ça? Absolument. Merci Élise Châteaurès, à bientôt. Merci. Nouvelle scène nationale, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Le prochainement à l'affiche, eh bien, c'est le spectacle Kogobas Basigi qui va nous être présenté par Eve Risser, qui est l'une de nos invitées aujourd'hui. Pianiste et compositrice, avec un spectacle qui correspond à une création qui sera présentée ici à Cergy-Pontoise pour deux représentations, le vendredi 7 décembre et le samedi 8 décembre. Le spectacle Kogobas Basigi, qui, ai-je lu, veut dire dans la langue en bambara, force et équilibre. Vous me confirmez, Eve Risser? Tout à fait, en tout cas, c'est ce que Naini m'a confirmé. On va parler de ce spectacle. Avant, je vais peut-être faire un peu plus ample connaissance avec vous. Vous êtes sur la scène créative européenne un repère aujourd'hui en France, apprécié par différentes créations que vous avez déjà à votre actif. Votre participation active aussi à l'Orchestre National de Jazz, vous nous dites quelques mots sur cette aventure. Ça a duré combien de temps? C'était 5 ans, de 2009 à 2013. Artiste au carrefour de différentes musiques, fort de toutes ses expériences précédentes, au carrefour du jazz, des musiques improvisées, musique contemporaine, votre domaine de prédilection reste cependant le piano. Pourquoi? Parce que vous êtes pianiste, vous allez me répondre. Ah, vous m'avez dit l'instrument parmi les musiques, alors... Son domaine de prédilection. Donc, le domaine par lequel j'accède à la musique, oui. C'est le piano, oui. Et après pour les domaines musicaux, ça se balade entre jazz, musique contemporaine, musique un peu hypnotique que je fais avec des amis comme Antonin Lemary. Mais sinon, voilà, ça voyage pas mal dans les esthétiques, quoi. Mais l'outil, c'est le piano. Alors, l'outil, c'est le piano, mais vous avez un rapport au piano qui n'est pas forcément le plus classique des rapports, puisque j'ai lu, concernant cette approche qui est la vôtre, très personnelle de l'instrument, un univers musical libre et poétique, il est dit la chose suivante, pour montrer que vous avez un rapport presque physique, bien peut-être plus encore organique avec l'instrument. Des entrailles de son piano préparé, elle sort une panoplie de sons inouïs. Oui, ben exactement, le piano c'est comme un petit orchestre pour moi, c'est une petite cabane, hein, déjà le petit piano à queue qu'on ouvre, je peux y poser des objets, un peu moins bien sur le piano droit qui sont verticaux, et je me fabrique un petit orchestre à l'intérieur, ça me sert d'outil à la composition et à l'improvisation. Et donc voilà, c'est une pratique qui se fait pas mal aujourd'hui de mettre des objets dans les cordes, et ça permet d'imiter d'autres instruments à percussion notamment, c'est assez efficace pour les percussions, pour plein d'autres choses. Et donc je peux ainsi préparer la musique pour mon orchestre, puisque j'ai un orchestre, des orchestres qui s'appellent les Desert Orchestra et changent de couleur à chaque programme. Ah oui, il y a eu d'abord le White Desert Orchestra, 10 musiciens, c'est ça? Voilà. Des trentenaires. Ça, c'est important, la génération? Ah oui, mais non, enfin, je veux dire, j'ai, première orchestre, moi, j'étais super terrorisée. Enfin, c'est super difficile. C'était super difficile pour moi de mettre ça sur pied. J'avais peur de tout. Donc, j'ai fait appel à mes copains du conservatoire. Donc, c'était un peu genre, restons soudés, me lâchez pas les copines, les copains. Là, il y a des générations qui se croisent grâce aussi au Kalajou La Bande, hein, dans ce projet du Red Desert Orchestra avec les Maliennes. Donc là, il y a différents âges, mais il y a encore pas mal de... c'est 40 ans maintenant presque. Non, il y a des gens qui ont moins de 30 ans et des gens qui ont plus de 40 ans. Voilà. On va parler de cette création dont il est question, cette fois-ci non pas avec le White Desert Orchestra, mais le Red Desert Orchestra, ce composition pour 8 musiciens, en plus effectivement du groupe de musiciennes dont on va parler dans un instant. Oui, 9 Européens. Ouais. D'accord. Dès l'âge, j'ai lu juste dans votre rapport à la musique pour aussi peut-être comprendre votre démarche de musicienne, tant de pianiste que de compositrice. Depuis l'âge de 10 ans, je cherche la musique qui me donnera le plus grand espace de liberté. Alors, vous qui avez eu au départ une formation plutôt classique, la liberté, vous la trouvez effectivement dans cette rencontre avec des musiques qui viennent du Mali, par exemple, aujourd'hui ? Je sais pas. Alors, par rapport au parcours, il y a plein de manières de se sentir libre dans une musique. Après, moi, il se trouve que je me sentais pas libre dans les musiques trop écrites. Donc, j'ai fui ça. Mais il y a des gens qui arrivent à se sentir libre dedans et moins quand on leur donne plein de choix. Donc, tout ça, c'est relatif, on est d'accord. Mais moi, la liberté, je l'ai trouvée dans les musiques plus improvisées, les musiques d'abord contemporaines qui sont écrites parce que on peut discuter avec un musicien vivant qui l'a composé. Donc, tout un accès à quelque chose de vivant, de pas figé, de pas fixé. Donc moi, je suis partie dans les musiques ultra libres. Et en fait, finalement, j'ai tellement mangé ça que j'en ai vu une certaine limite aussi. Et qu'aujourd'hui, je prends un plaisir à revenir vers des musiques qui ont des codes. Et donc, je m'approche des codes rythmiques. Mais par contre, ma petite approche pour l'instant, je balbutie encore dans mon approche des musiques mandingues, mais j'essaye de garder cette liberté aussi. Et voilà, j'approche pas les choses de manière hyper encyclopédique. Voilà, je l'assume complètement. C'est très instinctif comme... L'aventure nouvelle, la création dont il va être question, ce Kokoba Basigi, c'est une rencontre d'abord avec un ensemble, un groupe de musiciennes maliennes, ce qui est tout à fait original pour le coup, car on parle plus de musiciens que de musiciennes, même encore dans notre pays. Le Kalajoula Band de Naïmini Diabaté, ce groupe ensemble soutenu par le festival Africolor et par la fondation Passerelle de Rokia Traoré. Si je dis ça, c'est que ça a aussi un lien avec votre rencontre avec ce groupe et avec la musique qui vient d'Afrique, du Mali en la circonstance. Vous avez dit justement dans votre rapport à la musique africaine, pendant longtemps j'avais une timidité presque complexée vis-à-vis de ces musiques africaines. Aujourd'hui, vous avez dépassé ce complexe ? Ben en fait, je me suis aperçue que la plupart des mélanges que j'ai observés dans mon entourage viennent du jazz, avaient été faits par des hommes. Et du coup, dans tous les milieux qui sont faits par un type de personne, il y a quelque chose de presque conformiste qui se développe. Et je me sentais pas du tout le faire de leur manière. Et en même temps, j'appréciais. Donc je voyais pas du tout comment prendre ma place déjà dans le milieu du jazz. Mais avec la musique africaine, ça m'a fait le même effet. Au bout d'un moment, je me suis dit que si j'allais pas faire la même chose, c'était pas interdit non plus de toucher à ces musiques. Il y a aussi le fait que pour moi, c'est délicat d'arriver dans des cultures où on maîtrise pas assez, enfin, plein de peur de faire des maladresses. Et après, je me suis dit, mais bon, justement, là, il faut y aller à fond, quoi. Mais je voulais pas que ça passe par... Enfin, voilà, je viens d'un milieu très masculin, le milieu du jazz, à l'Orchestre National de Jazz. Vous le disiez, moi, j'étais la seule fille pendant 5 ans. En ce moment, il y a encore qu'une fille, qu'une femme. Quand je suis allée voir Sébastien Lagrave d'Africolor et que je lui ai dit, bon, ben voilà, moi aussi, j'ai envie de toucher à ces musiques et j'y connais rien. Je sais qu'il y a une porte d'entrée par votre festival parce qu'il y a des musiciens qui, enfin, vous connaissez plein de gens. Après, j'espère avoir, j'ai de plus en plus de petites porte-fenêtres qui s'ouvrent, hein, sur Paris, en Île-de-France, maintenant pas que par Africolor, heureusement, mais ça m'a bien aidée. Et je lui ai dit, ben voilà, moi je viens du milieu du jazz, c'est pas pour me retrouver avec des hommes en Afrique, quoi. Donc il a dit, non, mais je connais Naini Diabaté, et c'est la seule femme qui a monté un groupe de femmes, donc un groupe permanent, parce que des groupes des groupes formés par des producteurs occidentaux, on en connaît, mais des groupes locaux, permanents, de femmes, moi j'en connais qu'un, mais il y en a peut-être d'autres, mais à Bamako il y en a pour l'instant qu'un seul, et donc ça s'est fait par quelque chose de très très très humain et de très très fort de sens au départ, donc ça a pétillé tout de suite, quoi. Alors, rencontre avec ce groupe de musiciennes, je précise, je crois qu'elles sont 6, hein, c'est ça ? Elles sont 7 au total, ouais. Voilà, 7 avec Nainis, ça fait 7, ouais. C'est ça. Juste quelques mots à son propos, comment décrire sa musique ? Une femme qui est présentée, ai-je lu, comme une femme guerrière, c'est-à-dire plutôt... C'est moi qui dis ça. Hein, plutôt déterminée, c'est ça ? C'est un peu un gag qu'on dit. Une griotte qui a hérité d'un don multiple, c'est une, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre, de l'écouter, de la voir, même en concert, immense chanteuse et très grande musicienne. Une femme, en tout cas, très engagée au-delà de la musique même. Oui, mais à fond. Je dis c'est un gag, mais en même temps, c'est complètement vrai. Elle dit Jelly Mousseau, c'est femme guerrière, c'est ce qu'elle a l'impression de faire. Je pense que c'est une femme vraiment hyper active qui s'occupe de beaucoup de choses. En tant que griotte, elle est un vrai... J'ai compris qu'elle était un vrai repère pour les gens là-bas. Et en plus, c'est une chanteuse, mais ultra, ultra surdouée. Qui parle plusieurs langues, qui s'est improvisé, en plus qui connaît des centaines de, enfin j'imagine des centaines, mais des dizaines de morceaux traditionnels. C'est une force, enfin c'est une force sur pattes qui en même temps a une générosité, une écoute assez infinie, une patience. Mmh. Donc je me dis qu'elle doit gérer ces deux extrêmes, donc c'est, pour moi c'est une personnalité hors du commun, parce qu'elle gère ces deux extrêmes qui sont l'écoute et la force. Pour nous, ça sera l'occasion de la découvrir les 7 et 8 décembre prochains sur la scène du Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise. Alors, c'est la première fois que vous composez pour des musiciennes et des voix africaines, mais aussi, parce que c'est quand on est dans la composition, il faut prendre en compte les instruments, des instruments qui ne sont en rien classiques pour vous, instruments africains. Souvent, quand on parle de la musique africaine, et pour ceux qui ont voyagé, comme ça a été le cas pour moi, j'ai souvent entendu dire et vérifier sur place que on est plus dans la tradition orale que dans l'écriture musicale au sens occidental du terme. Comment on s'arrange de ces deux réalités ? Ben, je resitue juste quand même, le projet, c'est le Red Desert Orchestra invite le Kalajula Band. Mmh. Donc nous, l'idée, c'était de faire un concert de notre orchestre et d'inviter le Kalajula Band sur la moitié du programme, même un peu plus. Et donc, y a des morceaux que j'ai écrits pour mon propre orchestre, mais avec elle, je me suis plutôt dit que j'allais voir sur place comment ça tourne tout ça, mais j'ai clairement pas chez moi imaginé des partitions avec tout un orchestre dont elle et chacun j'écris sa petite partie. Pas du tout, je suis allée là-bas et avec les musiciens avec qui j'y suis allée, on a joué avec elle, on a pris des morceaux qu'elle joue, on a pris des bouts de tradition qu'elle joue, on a donné des bouts à nous qu'on avait bossé et on a mélangé tout ça. Il y a des trucs qui se mélangent à fond, il y a des trucs qui se mélangent pas, qu'on superpose. Donc on joue la composition sur plusieurs plans, mais on l'a fait... Enfin, tout ce qui est mélangé, elle et nous, on l'a fait ensemble. Et je me suis pas arrivée à me... Enfin, j'ai essayé d'éviter d'arriver avec la composition comme une espèce de voie de savoir. Enfin, moi qui m'handicape et qui me... Mmh. En plus, l'accès à cette culture, ce qui est intéressant, c'est justement, comme vous le disiez, c'est oral. Et du coup, voir comment nous, musiciens complètement sclérosés dans notre écriture, on arrive à se libérer de ça et justement essayer de fonctionner oralement avec elle. Et du coup, là, c'est fort parce que on essaye de, on arrête de s'agripper à du papier, à des stylos, à quoi que ce soit. Et on est dans le moment. En fait, c'est l'art du présent que j'ai. On sait hein, que faut vivre au présent. On sait que là-bas, ils savent mieux le faire. Mais nous, on essaye de le faire rentrer en jeu dans le processus de construction de cette musique. Voilà. Réunir sur scène le Red Desert Orchestra, le groupe de musiciennes maliennes, le Kalajula Band de Nainis Diabaté. C'était déjà en soi une belle aventure originale. Mais il y a une rencontre qui va se faire avec d'autres participants, puisque pour ce projet, vous avez associé plus de 140 chanteurs et chanteuses amateurs en Val d'Oise, des choristes, un travail travail que vous avez déjà expérimenté sur une autre scène nationale, je crois que c'était à Annecy. Là, cette fois-ci, parlez-nous un petit peu de ce travail qui est peut-être en cours de construction, là, pour le coup. Et c'est tout à fait en cours de construction. Avec le White Desert Orchestra, je fais très court, je l'ai fait 6 ou 7 fois déjà, d'inviter des chœurs amateurs sur la fin du programme. C'était inclus dans le son de l'expérience, hein, le son de l'expérience, dit parce que il y avait vraiment un désir sonore en plus de d'être au contact de musiciens amateurs. Là, c'est pareil. On a décidé de faire ça avec le nouveau programme. Donc oui, effectivement, le challenge est triple. Hein, il y a un nouvel orchestre, il y a une nouvelle collaboration avec les Maliennes et il y a cette collaboration avec 140 choristes. Voilà, qui sont du département du Val-d'Oise, je vois. Il y a l'ensemble vocal polyphonie, il y a la chorale de la classe de CM2 de l'école Paul-Éluard de Persan, la préchanterie chœur d'enfants du conservatoire à rayonnement communal de Persan, le chœur adulte de l'école municipale de musique de Vauréal, la classe à horaires aménagés musique du collège François Truffaut à Gonesse, et je crois la chorale de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et du conseil départemental du Val-d'Oise. Et Oni aussi. Oui, oui, c'est polyphonie. Oui, c'est ça. De la ville d'Oni. On a tout dit, moi. Voilà, on a tout dit. Ouais, c'est compliqué de ne pas en oublier. Donc, allez, dernière information, fort de toutes ces collaborations, fort de ce travail de création qui est même en cours, que dire pour ceux et celles qui resteraient un peu sceptiques en se disant, pour les inviter à venir découvrir cette création le vendredi 7 décembre à 20h30 et le samedi 8 décembre à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise, en quelques mots, pour les inviter à venir vous découvrir? Ben déjà, s'équiper de sa grande curiosité et venir vierge de tout a priori, ça va être un moment humainement déjà très très fort. Enfin, déjà dans le processus, il l'est. Hein, donc cette rencontre, les choristes en plus, maintenant je leur parle de ce qu'on a fait au Mali. Il y a une richesse de ce qui circule humainement dans ce projet et qui est le centre, hein, qui est le point de départ de cette création. Après la musique, c'est elle qui va parler de ça. Mais en gros, l'idée, c'était, bah, ça fait un peu fleur bleue hippie tout le temps. C'est pas un discours, mais vraiment il y a quelque chose de profond dans ce, voilà, qui viennent partager et écouter. Voilà, la musique est en train de pousser de toutes parts et les enfants, les adultes, les jeunes, ils se préparent. Tout le monde prépare cette grande fête et on est au taquet. Venez quoi. Le Kogoba Basigi, qui veut dire force, équilibre en bambara, c'est à découvrir les 7 et 8 décembre au Théâtre des Louvrets à Pontoise avec Evry Serre et le Red Desert Orchestra, Naini Diabaté et le Kalajula Band. Un concert organisé également dans le cadre de Jazz au fil de l'Oise, la 23e édition en Val d'Oise, qui se déroule en ce moment même du 9 novembre au 16 décembre. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous allez nous présenter en deux mots l'extrait musical que nous allons faire découvrir à nos auditeurs, extrait de l'album Les deux versants se regardent. Un extrait. Oui, c'est un petit extrait du White Desert Orchestra, de mon premier orchestre. Donc la musique est en train de se fabriquer, j'ai préféré. Mais c'était plus inspiré des univers de neige, le premier orchestre, alors que là, c'est les univers du désert rouge sec et aride. Merci, merci à vous. Nouvelle scène nationale ? l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Pauline Bayl, vous êtes chargée de l'adaptation et de la mise en scène de deux spectacles, d'un diptyque, Iliade et Odyssée, deux épopées de la Grèce antique, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la littérature grecque. Peut-être, avant de parler de ces deux spectacles, nous dire justement le rapport et la force que cela donne de s'attaquer, entre guillemets, à des œuvres et à des chefs-d'œuvre de la littérature grecque comme celle-ci. Ça donne effectivement beaucoup d'énergie. C'est un peu la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu m'emparer, enfin plonger dans ces deux textes d'Homère, qui en fait qui sont pas des textes au départ, hein, qui sont des mythes issus d'une tradition orale, qui ont été fixés par écrit bien après avoir été inventés et transmis de génération en génération. Si Homère a vécu, c'est en moins 800 avant Jésus-Christ. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est le fruit d'une très longue tradition et c'est chargé de siècles et de siècles d'histoire et de force. Il y a quelque chose, il y a une énergie qui traverse ces deux mythes, que sont l'Iliade et l'Odyssée, qui a nourri tout le travail de l'écriture d'abord où j'étais toute seule et puis ensuite le travail au plateau avec les comédiens quand on a vraiment mis en scène, adapté sur un plateau de théâtre, ces deux textes. Deux textes, deux œuvres écrites par le même poète, mais ces deux œuvres qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Non, qui n'ont rien à voir. En fait, l'Iliade, ça raconte comment faire la guerre, l'Odyssée, ça raconte comment revenir de la guerre. Donc c'est pas du tout la même démarche. L'Iliade est illuminée, si je puis dire, par la figure d'Achille, qui est un héros qui brille par sa force, son courage, sa très grande valeur, c'est le meilleur de tous les Grecs, et sa caractéristique principale est d'être doté d'une immense force, c'est un demi-dieu, alors que Ulysse, lui, à l'inverse, qui est la grande figure de l'Odyssée, est bien plus humain, nourri d'aspérité, il a plein de défauts, c'est vraiment un être humain beaucoup plus proche de nous, beaucoup moins héroïque que la vision qu'on pourrait avoir d'Achille. Et en fait, la force d'Ulysse, c'est juste de réussir à survivre, en fait. C'est pas de briller au combat, c'est réussir à rentrer vivant. Donc c'est quelque chose d'un programme qui est nettement moins ambitieux que celui d'Achille, qui est d'être le meilleur de tous les Grecs dans une guerre qui dure 10 ans et qui oppose les Grecs et les Troyens. Ulysse, lui, il veut juste rentrer sain et sauf chez lui, dans sa maison, sur son île. Donc c'est vraiment deux œuvres qui n'ont rien à voir. Cependant, vous nous proposez, au travers de ces deux pièces, un regard neuf sur les héros, car le point commun, cependant, entre l'une et l'autre, c'est bien cette notion de héros, personnages appelés les héros par les Grecs à l'époque, et aujourd'hui, la figure des héros a changé. En quoi Homère peut nous éclairer, justement, sur ces héros d'aujourd'hui ? En fait, Homère a créé deux personnages qui sont très différents, mais qui ont la caractéristique commune d'aspirer à se dépasser. L'un pour la gloire, c'est dans le monde de l'Iliade, c'est Achille, et l'autre pour survivre. Mais c'est des êtres humains qui sont sans cesse remis en question par ce qu'ils traversent et qui se placent dans une dynamique d'apprentissage, en fait. Et c'est ça qui fait deux des héros, c'est qu'ils apprennent, en fait. Ce sont des gens qui sont très dynamiques, qui vont être bougés par le destin, va mettre sur leur route un cyclope, la perte d'un meilleur ami pour Achille, des styrènes, des sorcières pour Ulysse. Et face à ces situations-là, ils vont être amenés à devoir composer, à devoir trouver en eux la ressource pour s'en sortir. Et c'est ça qui fait, à mon sens, de eux des héros, et finalement des héros très proches de nous, parce que nous tous, dans notre vie, on est amené à se dépasser, à trouver des solutions pour des situations pour lesquelles on n'avait pas de manuel ou de grille de lecture en amont. Pour distribuer les rôles, vous avez dit la chose suivante, l'idée étant de jouer avec le genre et l'apparence afin de déconstruire les archétypes qui trouvent souvent, trop souvent, ceux qui viennent enfermer et réduire la perception que les individus ont les uns des autres. Donc, plus qu'un regard neuf, une vision du théâtre qui donne à voir le monde non seulement d'aujourd'hui, mais peut-être de demain. L'idée, c'est de effectivement ouvrir l'imaginaire du spectateur et de ne pas représenter le héros à travers une sorte de folklore, notamment de péplum hollywoodien, où Achille est un grand garçon blond, grand et fort, et Ulysse, un homme barbu, brun, trapu et très fort aussi, très musclé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir questionner qu'est-ce que c'est que le courage. On peut être très courageux sans avoir beaucoup de muscles, on peut avoir beaucoup de force sans avoir forcément fait de la gonflette, ou et sans être un homme, évidemment. C'est pour ça que, par exemple, dans l'Iliade, Achille et Hector, qui sont les deux grands guerriers qui s'opposent dans l'Iliade, sont joués par deux femmes. Et dans Odyssée, Ulysse est interprété par les 5 comédiens, parce que c'est un héros qui est polymorphe, qui a plusieurs visages selon les situations. Et je pensais que le théâtre permettait de raconter très bien ça à travers une incarnation par les 5 acteurs. Donc l'idée, c'est que d'utiliser les conventions de théâtre pour venir légèrement dépasser le curseur et être interrogé par ces figures plutôt que d'enfoncer les portes ouvertes et mettre en scène un énième péplum qui ne va pas, moi, me parler intimement de ce que c'est que le courage, en fait. Je vais juste voir un mec qui conduit un char et qui massacre des gens, mais je ne vais pas trouver de dénominateur commun avec la personne. Deux choix de dramaturgie. Pour l'Iliade, vous avez travaillé autour du concept de la force. Pour l'Odyssée, travaille autour du concept de danger. Vous pouvez nous parler de ces choix de dramaturgie ? La force dans l'Iliade, c'est vraiment ce qui traverse absolument toute l'Iliade de bout en bout. C'est par ça que se déterminent les individus. Donc que ce soit Achille, dont on a déjà parlé, mais également tous les guerriers, toutes les femmes qui ne combattent pas. En fait, tout le monde se situe par rapport à la force. Il y a Simone Weil, une philosophe des années 30, qui a écrit un essai magnifique qui s'appelle L'Iliade, le problème de la force, qui traite notamment de cette question-là et d'à quel point elle est la colonne vertébrale de tout le poème et qui fait peser le destin des hommes d'un côté ou de l'autre de la balance. Alors que l'Odyssée, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut dans le vide. C'est-à-dire que Ulysse va être confronté à des choses pour lesquelles il n'a jamais appris comment se battre contre un cyclope, qu'il n'a jamais appris comment ruser face à Circé. Il va devoir trouver en lui la ressource face à des situations inédites, en fait. Et c'est ce rapport-là au danger qui, moi, m'intéressait, cette confrontation-là à l'inconnu que je trouvais passionnante et qui m'évoque beaucoup de choses de nos propres vies, en fait, contemporaines, où on est projeté dans des situations pour lesquelles on n'a pas de grille de lecture et on doit composer en direct pour trouver des solutions rapidement et pouvoir survivre. Voilà. Alors, vous parliez d'Ulysse. Oui, dans le monde de l'Odyssée, ce monde est assez complexe, pour le moins qu'on puisse dire, puisque en plus des humains et des dieux, on y trouve des créatures surnaturelles. Vous en avez cité quelques-unes, cyclopes, sirènes, monstres, etc. La ruse devient alors la seule arme pour triompher. C'est ce qui ressort de cette pièce en particulier ? Oui, en fait, la ruse, les Grecs parlent de métis, que Jean-Pierre Vernon et Marcel Desaines, c'est deux hellénistes assez reconnus, il parle des ruses de l'intelligence. Ils ont écrit un livre entier qui est passionnant sur qu'est-ce que c'est que la métisse. En fait, c'est plus que la ruse en français, c'est la capacité à s'adapter. C'est-à-dire que Ulysse est, selon les situations, bon charpentier, bon guerrier, beau parleur. Il arrive à trouver, à avoir l'idée de comment battre un cyclope alors qu'il est enfermé dans une grotte et que le cyclope a promis de le manger, lui et tous ses compagnons. C'est en fait réussir, c'est un peu, Ulysse, je dirais que c'est un peu un couteau suisse. Il arrive à dégainer selon la situation le bon outil au bon moment. Et en fait, c'est ce qui, selon moi, lui fait prendre plusieurs visages différents. On dit de Ulysse en grec, il est polytropos, ça veut dire Ulysse aux mille tours, en fait, en français. Moi, je dirais que c'est Ulysse aux mille visages, en fait. Il y a dans Ulysse un petit peu de tous les êtres humains du monde, en fait, parce que il arrive à compiler toutes les qualités différentes et des qualités très différentes selon les situations, et ça, tout ça vit à l'intérieur d'un seul et même être. Donc je trouvais qu'il fallait bien 5 comédiens pour raconter la complexité et la polymorphie d'Ulysse. Alors 5 comédiens, justement, polymorphes, puisqu'ils vont interpréter jusqu'à 15 rôles, je crois. Oui, même plus dans 15 rôles, je dirais que c'est Iliade, on doit être à 12, 13 rôles, et puis dans Odyssée, c'est plus 25. Entre 25 et 30 à mon avis. Si on compte tout, hein, même les tout petits rôles, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans Odyssée, et vraiment les 5 comédiens sont très engagés, même dans Iliade d'ailleurs, il y a peu de temps mort pour les comédiens. C'est vraiment un théâtre qui croit dans les comédiens, croit dans l'engagement des comédiens, et que l'engagement des comédiens peut raconter, suffit à raconter des histoires plus grandes que nous. Vous avez écrit au sujet justement d'Odyssée une deuxième étape de travail qui a permis à la fois d'approfondir la proposition d'Iliade et à la fois de l'amener sur des territoires de création sonore vierge propres à cette deuxième épopée. Peut-être l'occasion pour vous de préciser un peu cette intention. Oui, en fait, ça c'était parce que l'Iliade, en fait, j'avais bien conscience que voilà, le monde de l'Iliade, il est assez ordonné, il est assez simple en fait. Il y a d'un côté les Grecs, de l'autre les Troyens, et au-dessus d'eux, les dieux. Et en travaillant dans l'Iliade, on se rend compte que l'antagonisme n'est finalement pas du tout entre les Grecs et les Troyens, mais entre les êtres humains, tous confondus, Grecs et Troyens, et les dieux. Ça c'est quand même quelque chose qui est relativement organisé. Le monde de l'Odyssée, lui, est infiniment plus complexe. Les personnages sont beaucoup plus sont beaucoup moins d'un côté ou de l'autre, du bon côté ou du mauvais côté. Des personnages très malveillants comme Circé au premier abord peuvent se transformer en des figures très très bienveillantes et qui vont aider Ulysse à poursuivre sa quête et à pouvoir rentrer chez lui. Donc on est vraiment dans un monde, disons que si l'Iliade est un jardin à la française, l'Odyssée c'est l'Amazonie. Et que c'est l'Amazone, le fleuve de l'Amazone qui prend des détours infinis, et que le détour est constitutif du voyage. On ne peut pas faire une ligne droite pour raconter l'Odyssée, il faut embrasser les détours que prend le retour d'Ulysse. Et c'est dans ce retour-là, que dans ces détours-là, que se trouve le nerf de la guerre de l'Odyssée. Donc ça, c'est cette complexité-là dont que j'évoquais, cette complexité dramaturgique-là de ce monde infiniment plus complexe de l'Odyssée, et qui me semblait du coup d'autant plus pertinent à raconter sous la forme d'un diptyque, parce que l'Odyssée n'est donc absolument pas la redite de l'Iliade. On est vraiment à la fois dans un monde qui est proche, mais qui n'est pas du tout redondant avec celui de l'Iliade. On est vraiment ailleurs, ça a évolué en fait. Spectacle qui dure l'un et l'autre, je crois, en moyenne 1h30, c'est ça ? Oui, c'est ça. Avec l'idée que ça soit accessible à tous, sans avoir forcément lu Homère avant de venir découvrir votre spectacle, vos deux spectacles. Oui, c'est pas du tout de la vulgarisation. C'est pas du tout de la vulgarisation. En revanche, je crois que c'est clair chez Homère et que avec l'adaptation, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un bagage. C'est pas du tout un spectacle d'intellectuel en fait. On raconte une histoire et on essaie de bien la raconter, donc que ce soit clair, comme n'importe quelle histoire qu'on raconterait, et que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un prérequis de connaître ceci ou cela pour pouvoir suivre et comprendre. Mais parce qu'en fait, je trouve pas ça très compliqué chez Homère. Ce qui peut être un peu compliqué, c'est la langue ou la longueur, mais là, comme c'est très adapté et que ça dure 1h30, il y a quelque chose de, je crois, assez accessible. Mais il n'y a pas besoin de dépoussiérer Homère. Homère, il est très bien comme il est et en fait, c'est très fort en soi, quoi. J'allais dire, en effet, pas besoin de le dépoussiérer. Et je reviens sur une déclaration que vous avez faite en avril 2016 pour donner à entendre aussi la résonance qu'il y a entre ces deux épopées de la Grèce antique avec l'aujourd'hui. Je vous lis. « En ces temps où la contestation et la révolte s'immiscent dans l'espace public, tandis que les inégalités se creusent et que le repli sur soi-même menace, et si la voix d'Homère venait allumer la lueur d'une nouvelle perspective ?» Vous avez écrit ça en avril 2016, ça résonne tellement là au mois de novembre 2018 sur la situation, le contexte dans lequel vont être représentées ces deux pièces. Oui, alors il se trouve que le hasard a fait qu'en termes de calendrier, j'ai écrit l'Iliade au moment où on menaçait la Grèce était menacée d'être exclue de l'Union Européenne à cause de la dette, et que la Troïka s'était mise en place et avait décidé d'imposer à la Grèce des conditions draconiennes pour qu'elle rétablisse son équilibre budgétaire, etc. Donc ça, c'était un contexte assez prégnant pendant que moi j'adaptais l'Iliade. J'ai écrit l'adaptation de l'Odyssée au moment au plus haut de la crise migratoire. Or, toute l'Odyssée est traversée par la figure de l'étranger et la notion d'hospitalité qui est propre à la Grèce antique et qui n'a absolument rien à voir avec la manière dont les étrangers sont aujourd'hui accueillis dans l'Europe. Donc c'est sûr que l'un dans l'autre, j'ai été, c'est le hasard, hein, mais j'ai été très très nourrie par ces considérations où en fait à un moment, pour la faire courte, quand je travaillais sur l'Iliade, je me suis dit que m'est apparu que la Troïka représentée par le FMI, l'Union Européenne, etc., en fait avait un impact sur le destin de Grecs, qui ont mon âge, qui n'ont pas élu ni le FMI ni l'Union Européenne, qui sont juste nés en etc. et ils se retrouvent dans un pays en ruine alors qu'ils n'ont rien demandé, un petit peu comme les dieux décident du cours de la vie des humains dans l'Iliade, quoi. Et effectivement, pour l'Odyssée, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressort de soi-même, sans qu'il y a, d'ailleurs je n'ai rien fait du tout, il n'y a rien de modernisé à ce niveau-là, c'est des choses qui viennent nourrir le travail, mais qui se déposent comme ça en couche très très en amont dans le travail, et puis après qui parlent d'elles-mêmes ou qui ne parlent pas, c'est selon le spectateur, et il n'est pas du tout question d'asséner un message à ce niveau-là politique, quoi. C'est juste que c'est sûr que c'est venu nourrir le travail. Alors, l'Iliade à l'affiche le jeudi 29 novembre à 19h30 et le samedi 1er décembre à 18h. L'Odyssée à l'affiche le vendredi 20 novembre à 20h30 et le samedi 1er décembre à 21h, avec une intégrale qui sera proposée le samedi 1er décembre, donc à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, au Théâtre 95 à Cergy-Centre. Spectacle qui va être également programmé dans le cadre du Festival théâtral du Val-d'Oise, non seulement ici à Cergy-Pontoise, mais également sur la ville d'Aubonne, de Sartrouville et de Montmorency. Je vous remercie, Pauline Bell. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. La nouvelle scène nationale et les partenaires. Parmi ses partenaires, Visage du Monde et la ville de Cergy, c'est un nouveau partenariat autour du chorégraphe Ousmane Sy, et cela tout au long des trois temps forts générations qui nous ont déjà, au cours des précédentes émissions, été présentés par Feriel Bakouri, la directrice de cette nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Pour en parler aujourd'hui, à notre micro, Chloé Gilbert, qui est directrice des relations publiques et de l'accueil à la nouvelle scène nationale, et Abdou Mbaye de la ville de Cergy, chargé de mission danse et cultures urbaines et programmateur à Visage du Monde. Alors peut-être, Chloé, faire le lien d'abord, pourquoi ces partenariats et le sens que cela a au-delà de faire de la programmation? Oui, tout à fait. Alors effectivement, le projet de la scène nationale veut vraiment s'intégrer dans une dynamique partenariale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un simple accueil de spectacle. L'idée, c'est de co-construire des projets ensemble. Et là, l'idée avec la ville de Cergy et avec Visage du Monde, c'était aussi de ne pas être simplement sur une action ponctuelle, mais d'inscrire le partenariat dans le temps. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, évidemment, que ces partenariats, et en tout cas celui-ci, s'inscrivent aussi dans la programmation, dans le projet et dans ces fameux temps forts générations. Alors, génération qui, en termes de calendrier pour la suite de notre échange, se déroulera pendant ce mois de novembre pour la génération première édition. Deuxième édition, c'est au mois de janvier prochain. Et troisième édition, au mois de mai 2019. Alors, un travail de partenariat autour de la danse en particulier, mais pas seulement, et autour de l'univers d'un chorégraphe qui a pour nom Ousmane Sy. C'est Abdou Mbaye qui va nous en parler. C'est ce chorégraphe, au fil du temps, au fil des expériences, un chorégraphe qui s'est aujourd'hui un peu plus spécialisé, ai-je lu, dans la house dance et ambassadeur de la French Touch. Comme on dit pour les musiciens, bah ça existe aussi chez les chorégraphes, chez les danseurs. Tout à fait, oui. Effectivement, il s'agit de Ousmane Sy, plus communément connu sous le nom de Baba, Babson, ancien danseur de la compagnie Wanted Posse en hip-hop, qui s'est spécialisé en house dance et en afro house. Cette danse issue des musiques électro, voilà. Alors, au cours de ce premier temps fort, génération première édition, il sera question d'une conférence dansée, c'est bien ça? Tout à fait, la conférence a eu lieu déjà, c'était samedi dernier. Et il s'est agi pour Baba de nous présenter ce qu'était la house dance en partant de son parcours à lui, comment il est arrivé à cette danse-là. De ses origines africaines, en passant par effectivement toute cette culture européenne qu'il a acquise à travers sa danse hip-hop. Et cette conférence qui a été très instructive pour le public, qui était venu nombreux, qui s'est terminée par une jam où le public a participé vivement, de tout âge d'ailleurs et de toute origine. C'était hyper intéressant et multiculturel, ce qu'on retrouve vraiment dans cette culture urbaine, qui est super intéressant. Une jam, d'ailleurs il y en aura une autre au mois de janvier prochain, si j'ai compris le programme des festivités. Tout à fait, cette fois-ci ce sera à Visage du Monde, donc le 26 janvier prochain à Visage du Monde, toujours avec Baba. Et ça prendra un peu la même forme, mais beaucoup plus participative. Donc ouais, c'est effectivement, venez pratiquer la house dance, qui est un autre pan de cette culture urbaine avec les musiques électronique. Avec le lien, parce que on n'est pas tous initiés à ces, on va dire, à ces spécialités dans les cultures urbaines, avec quand même un lien, toujours au sens large du terme, de la culture hip-hop. Carrément, parce que c'est la house dance et fait partie intégrante de ces cultures urbaines. Baba le reconnaît lui-même, effectivement, il est issu de ces cultures urbaines, et puis cette génération de jeunes acteurs urbains s'inscrit dans différents courants électroniques, hip-hop plus spécifiquement, mais d'autres courants comme le rock, etc., etc. Toute cette génération fait qu'effectivement, qu'on se retrouve dans ces cultures-là. Et dans des moments comme celui-ci, il est question de partage, il est question de transmission, parce que entre générations, c'est bien de se transmettre cette culture, et de faire en sorte que cette pratique soit possible pour le plus grand nombre. C'est ça, l'objectif est là, et ça s'inscrit complètement dans l'ADN du projet. Effectivement, le partage, c'est un allant de soi déjà dans les cultures urbaines, parce qu'on prend de partout et on redonne aussi tout ce qu'on a acquis au plus grand nombre Le 9 mai prochain, dans le cadre de Génération 3e volet, au Théâtre des Louvrais, il y aura effectivement une création participative qui sera le fruit d'un stage de longue durée. C'est en fait effectivement la création Queen Blood, dont Chloé pourra parler un peu plus tard, juste après. En fait, c'est l'aboutissement de différentes de ces temps des générations. Donc on a eu celui de novembre, celui de janvier, et puis effectivement celui de mai qui viendra clôturer ces temps d'échange. Et il y aura effectivement une présentation de tous ces travaux lors de ce spectacle Queen Blood au mois de mai. Alors, la nouvelle scène nationale qui, à l'occasion de ses créations, propose aussi des temps d'action culturelle, d'action autour de la danse par ses stages en particulier. Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour rappeler un petit peu le fonctionnement et l'idée de départ, Ousmane Sy fait partie des artistes qui sont programmés dans le cadre de la saison 18-19 de la Nouvelle Scène Nationale, et en particulier dans le cadre du troisième temps Génération qui aura lieu en mai avec son spectacle, sa dernière création qui s'appelle Queen Blood. Et effectivement, l'idée, c'était qu'Ousmane Sy devienne le fil conducteur, l'artiste un peu fil rouge de tous ces temps Génération. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé samedi sur son format All for House Conférence. Ensuite, on le retrouvera en janvier, effectivement, à Visage du Monde avec la Jam. Et puis, en dehors de son spectacle Queen Blood, on retrouvera également un événement avec Ousmane Sy dans le hall du Théâtre des Louvrais au mois de mai, sur une création participative. Puisque l'idée, et c'est pour moi ce qui fait sens dans ce projet, c'est qu'on retrouve tous les éléments très forts du projet de la Nouvelle Scène Nationale, c'est-à-dire que on est dans une dynamique partenariale, on ouvre un maximum les portes du théâtre, hein, c'est ce qu'on a vu effectivement samedi, c'est-à-dire qu'on est aussi dans le hall d'un théâtre, on est aussi dans le hall d'une scène nationale, pas seulement parce qu'on assiste à une représentation, mais parce qu'on participe à un moment et qu'on partage un moment, c'est ce qui est assez important pour nous. Et aussi, indépendamment de l'action culturelle et d'un système assez classique, on va dire, ou traditionnel d'atelier, l'idée, c'est d'associer les habitants et d'associer les habitants qui ont une pratique aussi du hip-hop à une création. C'est-à-dire, c'est pas seulement on accueille Ousmane Sy, donc on va faire un atelier hip-hop. C'est on accueille Ousmane Sy, on va essayer de développer tout un projet, justement avec Visage du Monde et avec aussi le centre de formation de danse, où les habitants, en fait, vont être acteurs de la création. C'est les fameux projets participatifs qu'on développe aussi à d'autres niveaux. Donc, l'idée, c'est qu'on constitue un groupe. Là, on est en pleine recherche d'un groupe de 30 personnes qui ont déjà une petite pratique du hip-hop à partir de 16 ans, sur une période de 16-35 ans, même si, évidemment, c'est très ouvert, qui vont, tout au long de l'année, de décembre à mai, travailler avec Ousmane Sy, avec deux de ses danseuses, pour proposer une création en mai au Théâtre des Louvrais. C'est en lien avec ce cycle de stage ou c'est encore autre chose ? Tout à fait. En fait, les rendez-vous, le cycle de stage, sont en fait des répétitions, tout un travail de création et de répétition en vue de cette présentation sur Génération 3. D'accord. On indiquera à nos auditeurs comment faire pour se renseigner et s'inscrire, pour rejoindre ce groupe et pour participer à ce cycle de 5 stages, ai-je lu, au cours de cette saison, avec en point final ce spectacle Queen Blood qui sera présenté donc au mois de mai prochain. J'ai lu qu'il s'agit d'un spectacle qui abordera la question de la féminité dans la danse, dans le geste, la féminité assumée, subie, tout cela par les techniques de chacune des danseuses qui seront sur scène, et que la danse, c'est aussi raconter une histoire, puisqu'il y aura bien une dramaturgie autour de cette création, autour de ce spectacle, en deux tableaux aux univers musicaux bien distincts, l'un acoustique, l'autre électro. Et je ne sais pas si c'est confirmé, s'il devrait y avoir également sur scène la présence de musiciens. On me le confirme, je l'ai lu. Ah oui, ici à RGB, on enquête, mais on n'a pas toutes les confirmations. Donc, on aura pour peut-être notre prochaine émission ce confirmation de ce qui se passera au mois de mai prochain à l'affiche de la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise. Merci à tous les deux. Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2 et radio-rgb.net. Il est temps de conclure notre émission. D'abord, vous indiquez que toutes les infos concernant les spectacles, les stages et autres actualités à la Nouvelle Scène Nationale, je vous renvoie vers le site internet à l'adresse suivante, le www.nouvellescenenationale, en un seul mot tout attaché, nouvellescenenationale.com. Remerciements à tous nos invités qui sont intervenus au cours de cette émission, ici en studio, comme ceux qui sont intervenus par insert téléphonique. D'autres renseignements possibles au téléphone encore, ça existe. C'est le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Damien Gissas pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusée samedi prochain, samedi 17 novembre de 9h à 10h du matin sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Émission qui sera à volonté disponible ensuite en podcast à cette même adresse. Notre prochaine émission, c'est pour le mois de décembre. Rendez-vous est pris pour le mercredi 12 décembre de 19 à 20h. D'ici là, eh bien, au plaisir de vous retrouver à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise, quels que soient les lieux, quels que soient les théâtres, mais également sur RGB, sur votre radio locale en direct de Cergy Pontoise. À bientôt. Nouvelle Scène Nationale, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h, l'émission coproduite par la Nouvelle Scène Nationale de Cergy Pontoise et du Val d'Oise et votre radio locale RGB 99.2. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.